Si tu veux mon avis, ils sont pleins de rêves et ils parlent de peur. Les poussées, j'ai un emmène à l'île. Tous les jours, ça serait pas. Tous les jours, ma chance. Allez, mille de ma faute, écrivez ma passe. Tous les jours, ça serait pas. Tous les jours, ma chance. Tout comme dans l'histoire, tout le monde est en place. Tous les jours, ça serait pas. Tous les jours, ma chance. Allez, mille de ma faute, écrivez ma passe. Tous les jours, Yeah.